Audiomatique. amorcer la transmission 3-7-1 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du duo anglais The Chemical Brothers. Nous entendions la pièce Surface to Air qui clôture son cinquième album studio intitulé Push the Button, lancé en 2004. Pour la suite d'Audiomatique, nous faisons un retour en arrière, précisément dans la ville de Stuttgart en Allemagne, où la formation allemande Cannes s'est produite sur scène le 31 octobre 1975. Thank you. Thank you. Thank you. à Audiomatic. Il s'agissait du groupe allemand Can et son improvisation intitulée Dry, qui est en fait la troisième pièce qu'ils ont jouée lors de leur concert enregistré dans la ville de Stuttgart en Allemagne le 31 octobre 1975. Et en conclusion de cette transmission 371 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir une pièce du groupe anglais Underworld. Nous entendrons sa composition Spiky, qui se retrouve sur le EP de deux pièces Spiky et Dogmen Go Woof, lancé en 1993. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain de 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Underworld et la pièce Spiky. C'était Audiomatic avec les sonoristes.